15-15, observation, approximation. Ça coûte 15 francs 60. Une quinzaine de francs. Ça coûte 42 francs. Une quarantaine de francs. Ça coûte 1050 francs. Un millier de francs. 10. Une dizaine. 12. Une douzaine. 15. Une quinzaine. 20. Une vingtaine. 30. Une trentaine. 40. Une quarantaine. 50. Une cinquantaine. 60. Une soixantaine. 100. Une centaine. 1000. Un millier.